c'est aussi la télévision et la radio privée qui sont conservées et qui font l'objet d'un travail de, après la conservation, de valorisation. Et donc c'est à ce titre qu'on parraine cette manifestation sur l'ensemble du week-end, parce que les images et les sons que vous allez entendre sont issus de ces archives. Si je suis ici aussi, c'est parce que le travail que Frédéric va vous présenter, c'est l'aboutissement de recherches qu'il a menées dans nos locaux. L'aboutissement de fouilles, d'interrogations et d'analyses d'archives, donc de la télévision. Il a travaillé sur la télévision, qui donc c'est l'aboutissement d'un travail de 6-9 mois. Et donc si j'en parle, c'est parce que donc on associe souvent l'INA à la diffusion d'archives dans le cadre des journaux télévisés, dans le cadre des documentaires. Donc vous voyez le logo INA associé à ces archives, mais l'INA c'est aussi l'une des missions de l'INA, c'est aussi de conserver le patrimoine, non pas à des fins commerciales, mais à des fins patrimoniales, à des fins de recherche. C'est-à-dire que depuis 1995, tout ce qui est diffusé sur la télévision et sur la radio est systématiquement enregistré, donc systématiquement conservé et documenté, plus ou moins finement selon les programmes. Et donc si ce travail est mené, c'est parce qu'on considère que ces sources ont un intérêt pour la compréhension de la société, et donc intérêt pour les chercheurs d'aujourd'hui, mais intérêt aussi pour les générations qui vont suivre. Et donc ça va de soi, ça devient incontournable aujourd'hui de conserver ces sources pour pouvoir les analyser par la suite. Donc il y a une grande partie de l'activité de l'INA autour des archives est désormais dédiée à ce travail. Alors le grand public n'a pas accès directement à ces sources. On accepte les chercheurs dès lors qu'ils justifient d'un programme de recherche. Et donc pour le grand public, il reste INA.fr, que vous connaissez peut-être déjà, c'est-à-dire un site où sont mises en ligne une sélection de programmes. Donc aujourd'hui, il y a 30 000 heures de programmes qui sont mises en ligne. Et donc c'est une façon, c'est un moyen pour le grand public d'accéder à certains programmes qu'il a déjà vus ou dont il a entendu parler et qu'il a envie de découvrir. Et donc, sur la question qui nous intéresse aujourd'hui, il y a un document concernant Plozévet, qui est concernant les enquêtes, qui est en ligne. Et donc, notre autre façon de valoriser ces archives, ces dernières années, ça a été aussi de construire un site qui s'appelle l'Ouest en mémoire, dont un prospectus, un flyer à la sortie présente le projet. Et donc ce site, l'Ouest en mémoire, qui est en accès libre sur Internet, propose une fresque de 500 documents qui présente l'histoire de la région à partir d'archives de la télé, d'archives de la radio, et qui retrace donc l'histoire de la région sur les 50 dernières années. Et donc c'est une autre façon pour nous de diffuser cette richesse. Et donc on l'a fait non pas sous la même façon que l'INA.fr, c'est-à-dire en mettant en ligne de façon brute les documents, mais en les accompagnant d'un travail éditorial qui a été fait par des chercheurs de l'université de Rennes 2, par des historiens. Et donc ça permet de faire une médiation, en quelque sorte, entre les archives et le public. Donc je vous invite à découvrir le site si vous ne le connaissez pas déjà. Et puis, je vais passer la parole à Emmanuel.